بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans le livre الدرر البهية expliqué par Sheikh Ali bin Mukhtar Ramli, Allah le préserve. Alors ici, nous avons fini une grande partie du chapitre de la zakat et nous laisse zakat al-fitr. Et nous avons décidé de retarder cela un mois avant le mois de Ramadan, inshallah, si Allah nous facilite cela. Comme ça, nous allons traiter ce sujet. Et juste après ce sujet, il y a Kitab al-Khumus. Et après cela, il y a Kitab al-Siyam. Donc, Kitab al-Siyam aussi, nous allons traiter cela bien avant le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, j'ai jugé bon de rentrer dans Kitab al-Nikah. C'est un peu devant. Et dans le livre, c'est à la page 430. Voyez, Kitab al-Nikah, c'est le livre du mariage. C'est-à-dire, dans ce chapitre, nous allons parler de manière claire et authentique avec les arguments pour ce qui concerne le mariage. Et l'imam Shawkani, rahimahullah, dans son livre Durar al-Bahiyya, il a choisi les paroles qui sont en majorité les aqwal ar-rajih, les paroles qui sont prépondérantes. Et aussi, le Sheikh Ali Ramli, il a une très belle explication sur ce sujet du Kitab al-Nikah. Et aussi, c'est un chapitre qui est très important. Yadirun, l'école des musulmans, ou les musulmans, tous musulmans et musulmanes, de connaître les détails de ce chapitre. Fayyib. Donc, Natatarraq, on va frapper à la porte de ce chapitre et nous allons rentrer biznillah. Alors, un nikah, dans la langue arabe, veut dire al-aqdu, yutlaku al-aqdi. Al-aqdu, c'est un accord, un contrat. Donc, voici le premier sens de un nikah. Ça veut dire al-aqdu, qui veut dire un contrat. Ou on peut dire aussi un accord. Car le mariage, c'est ittifaq, c'est un accord entre deux personnes. Donc c'est une convention, c'est un contrat. Al-nikah aussi veut dire yutlaku al-jima, ça veut dire aussi le coït ou al-wat. Et cela apparaît dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ifa'alu kulla shay, lorsque la femme est en état de menstruer, il dit faites tout illa nikah, sauf le nikah. Si le nikah veut seulement dire mariage, il ne va pas dire touche ta femme sauf le mariage. Ils sont pas dans le haram. Voyez. Fawwa min al-asma' al-mushtaraka. Nikah, ça fait partie des mots et des noms qui ont plusieurs sens. Wa al-asma' al-mushtaraka, ce qu'on appelle les asma' al-mushtaraka, ma tukhida laf, ma tahada lafzuha, ce dont le lafz est unique, وَاخْتَلَفَ مَعْنَاهَا. Mais le sens diverge. Vous avez compris? C'est-à-dire, le lafz est pareil. Lorsqu'on dit nika, la yataghayyar al-lafz. Le lafz ne change pas. وَلَكِنْ يَتَغَيَّرُ الْمَعْنَى. Mais le sens change. وَمَحَلُّ الْكَلَامُ عَلَى هَذِي الْأَسْمَاءِ وَبَيَانِهَا. L'endroit de parler au sujet de ces noms-là, c'est-à-dire al-asma al-mushtaraka et sa clarification, c'est dans le ilm usul al-fiqh, dans la science des fondements du fiqh et mabhas al-alfaz, et surtout dans le chapitre, c'est-à-dire dans tout ce qui va aborder les mots. Et celui qui veut les détails, alors les détails se trouvent dans les livres de Kutub Usul al-Fiqh. Il verra que le mot Nika donne plusieurs sens là-bas. Wa misaluha, l'exemple d'un ism al-mushtaraka. Ici, on a le Aïn. Regardez par exemple Al-Aïnu. Fal-Aïnu lafzun wahid. Le Aïn, c'est un seul mot. لَكِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَكْثَرْ مِنْ مَعْنَى. Mais le sens va dans plusieurs sens. فَمِنْ مَعَانِي الْعَيْنِ الْبَاصِرَةُ. Parmi les sens de الْعَيْنِ, il y a ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Et كَالْعَيْنِ الْإِنسَانِ, comme l'œil de l'être humain, la chose par laquelle il voit. وَمِنْ مَعَانِهَا عَيْنُ الْمَا. Il y a aussi Aïnul Ma qui est source d'eau. Voyez, on appelle aussi Aïn. Wa min ma'aniha al-jasus. De ce sens aussi, l'espion. L'espion, il est appelé aussi Aïn. Ça va? Aïn. Parce que c'est un œil quelque part. Voyez, fal-lafzun wahid. Le mot est pareil. Wal ma'ani mukhtalif. Mais les sens divergent. Wannikah, et le mot nikah min hadhihi al-alfaz al-mushtaraka. Le mot nikah est dans ces mots qui sont mushtaraka, c'est-à-dire les noms qui ont plusieurs sens. Voyez, lafzun wahid wa yutlaqu ala ma'naye ou ma'ani kathir. Avant. Le nika ici, yutlaku ala ma'naye. Ala l'aqdi, c'est-à-dire aqdu nika, c'est-à-dire le contrat du mariage. Wa yutlaku aydon ala jima. Et le sens vient aussi al jima qui est le coït. Wa yu'rafu al murad min lafzi bil qara'in. Et on connaît aussi ce qui est voulu par le mot qui est prononcé lorsque il y a des rapprochements. Vous comprenez? Faiza qulta, si tu dis par exemple, nakaha rajulu zaujatahu. Nakaha rajulu zaujatahu. On comprend ici quel sens? Al-wat, al-jima. C'est pas le acte. Nakaha rajul zaujatahu. In kana zaujatahu limada yankir. Ya kana nika al-acte. Hein? Nakaha rajul zaujatahu. Yassiru mada al-jima. Ça devient ici le coït. C'est compris? Donc, ici, amma idha kulta. Si dit par exemple, nakaha fulanun ibnata fulan. Un tel nakaha ibnata fulan. La fille d'un tel. Ça veut dire quoi? Fal muradu al-aqd. C'est le contrat. Bimana aqada alayha. Dans le sens, c'est, il a fait un contrat avec elle. Il a l'âme de kun zaoujatun la. Si elle n'est pas une femme pour lui, on n'a pas dit zaoujat. Mais si c'est une femme, on dit naka ha zaoujatahu. Tu comprends dans cela quoi? Al-jima, lagi naka ha mar'at. Hein? Ça peut être le acte parce que ici on n'a pas dit zaoujatahu. N'est-ce pas? Donc le Corin, فَقَرِينَةُ الْحَالِ هِيَ الَّتِي دَلَّنَا عَلَى الْمَعْنَى. Donc si on fait le rapprochement des situations, c'est ce qui nous montre ici le sens وَالْمُرَادُ مِنْ لَفْزِ النِّكَاحِ et ce qui est voulu par le lafz al-nikah. Et c'est ce qui est propre dans la parole du professeur Assalam qui dit ici, il dit اِفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ إِلَّا الْجِمَى إِلَّا الْوَطْرِ. Ça y est. Donc ici, voilà le sens de Annika. Que veut dire Annika? Comme on a dit, ici, Annika, ça prend combien de sens? Deux sens. Le premier sens, Al-Aqdu. Al-Aqdu, ça veut dire quoi? Le contrat ou bien un accord. Voyez? Ok. Maintenant, le deuxième sens, c'est quoi? Al-Jima. Maman Al-Jima. Le coït, ceux qui ne comprennent pas le français. Le coït, c'est un peu difficile. Hein? Rapport sexuel. Donc voici le sens que ça donne. Ok? Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre dit ici, Yushra'u liman istata'a al-ba'ata. Alors le mariage est légiféré pour celui qui a la capacité. Ici, le mot yushra'u, on va voir ce que ça veut dire. Toute la kalimatu yushra'u, le mot yushra'u, parce que l'imam Shawkani dit yushra'u liman istata'a al-ba'at. Ça va? C'est légiféré pour celui qui a la capacité. Le mariage est légiféré pour celui qui a la capacité. Ok? Donc, toute la kalimata yushra'u wa yuradu biha. Donc, on donne le sens du mot yushra'u et on veut par cela, premièrement, al-wajib, ce qui est obligatoire. Deuxièmement, al-mustahab, ce qui est préférable. Et wa-rubbama dakhala fil mubah bishar. Et ça rentre aussi dans ce qui est autorisé dans la sharia. Idha sami'ta kalimata yushra'u, fala budda an tanzura fil mawdu. Tu dois bien regarder fil mawdu. Kod yuradu bihi al-wajib. On peut vouloir par cela ce qui est obligatoire. On peut vouloir aussi par cela ce qui est mustahab. Et souvent, il rentre dans ce qui est mubah. Mubah, c'est quoi? Autorisé. Wajib, c'est quoi? Obligatoire. Mustahab, c'est quoi? Préférable, recommandé. Tayyib. Donc ici, on va voir que veut dire Yushra'u ici, dans la parole de l'auteur du livre. D'abord, nous allons voir le sujet Hukmun Nikah, le jugement du mariage. Le mariage est une obligation ou bien quelque chose de préférable. Voyez. Afadana al-mu'allif bin Hukmun Nikah al-mashru'iyya. Alors, l'auteur du livre nous a montré ici le jugement du mariage légiféré. Aï al-jawaz limanistata'a al-ba. Il a montré l'autorisation pour celui qui a la capacité. Wal-ba'atu. Ça va? Ça vient dans la parole du professeur Assalam. Manistata'a minkum al-ba. ما معنى الباء؟ الباء تو أصلها الموضع. La base de Alba, c'est l'endroit. الذي يأوي إليه الإنسان où l'être humain se réfugie. C'est ce qu'on appelle Alba. Là où l'être humain se réfugie, on appelle Alba. Ici, والمراد هنا النكاء. Ce qui est voulu ici, c'est le nika. Ça va? Nika ici, dans quel sens? Le coït. Manistata minkum al-ba'a. Ça veut dire le sens celui qui peut, a la capacité de faire le coït. Faliatazawaj. Compris? Ça prend d'autres sens. Lakin ici, al-ba'a asluha al-mawdi. La base, c'est l'endroit. الذي يأوي إليه الإنسان où l'être humain se refuge, c'est-à-dire là où il dort, là où il va se reposer. طيب والمراد هنا النكاح فمن عنده قوة بدنية, celui qui a la force, c'est-à-dire du corps, il a la capacité corporelle, وقدرة مالية, il a la capacité Maliya al-zawaj, de l'argent pour se marier. Quelle est cette capacité-là? Cette capacité-ci détient quelque chose. Il t'a dit d'ouvrir. S'il détient quelque chose pour pouvoir faire le mariage, tayyib, amal ladhi qabla et ba'da zawaj. Quant à ce qui est après le zawaj, ala amruhu ila Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite cela. Lakin la tajlis fi baytik. Ne t'assois pas chez toi à la maison. Fais les asba. Ou cherchez le risque. Tayyib. Mais tu vois, certaines personnes, ils se disent non, il faut que. D'autres même, ils vont loin. Il faut que je construise une maison. Ou bien d'autres, il faut que je loue une maison. Et que vraiment, la maison soit bien équipée. Avec les meubles. Avec tout ce qu'il faut. Et je n'ai pas la capacité. Alors qu'ils souffrent. À la maison. Quand il dort seul, il dort sur son lit de célibataire. Un petit lit comme ça. Hein? Alba, ici, c'est quoi? Celui qui a la capacité du nikah. Ah voilà. Kouwa al-badaniya. La force. C'est-à-dire kouwa badaniya. Parce que s'il n'a pas cette capacité, Masalan, s'il est impuissant, on va voir le jugement de cela. Voyez? Mais s'il a la capacité de ce côté, Wakuwa Maliya a la capacité aussi au niveau des moyens. Voyez? Pour pouvoir marier. C'est-à-dire, il a la dot pour pouvoir marier une femme. Voyez? Et cela vient même dans la sharia. Pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le mariage de quelqu'un avec une femme qui n'avait pas de dot. Et lui a dit, enseigne-lui le Coran. Parce qu'il lui a dit, as-tu une bague, même en fer, dis-la. Pour donner comme dot, il dit là. Il dit, je n'ai pas. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, azina lahu, azawaj bihad, mar'a. Wa kena mahruha. Et sa dot était qui lui enseigne le Coran. Est-ce que celui-là, il avait de l'argent? Donc ici, il faut mieux comprendre. Parce que d'autres disent, Alba, ah, il faut que j'ai le moyen, il faut que je sois capable, il faut que j'ai la capacité. Quelle est cette capacité, Yahri? Quand il vit célibataire même, Tu dois aller manger au kiosque. Là-bas, tu vas dépenser beaucoup. Alors que si tu es marié, il y a une facilité, achi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans ce mariage. Et chaque fois, tu es pressé de rentrer à la maison. Comme Al-Hassan. Hein? Alors ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya ma'ashar al-shabab » Il s'adresse ici aux jeunes, vous, les jeunes. « Man istata'a minkum al-ba' » Celui parmi vous qui a la capacité. On a déjà vu « al-ba' faliyat al-zawwaj » qui se marie. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ أَغَضُّ c'est-à-dire cela baisse plus le regard وَأَحْسَنُ لِلْفَرْدِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْدِ et préserve plus le sexe وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ celui qui ne peut pas عَلَيْ بِالصَّوْمِ qu'il jeûne فَإِنَّ لَهُ وِجَاهُ Et le jeûne sera pour lui wija. Mamana wija yaqta'u alayhi shahwa. Ça coupe le désir. Aw yukhaffif. Ou bien rend faible min hiddatiha. L'intensité du désir. Voyez. Donc celui qui a la capacité dont on a mentionné faliyat azawaj, qui se marie. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ car cela aide plus à baisser le regard et préserve plus le sexe. Ici, je vais faire une parenthèse. هَذَا كَلَامُ النَّبِي c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم وَهَذَا حَقٌ وَصَوَابٌ c'est une vérité et c'est exact. Walakin, aghaddu lilbasar. Ça fait plus baisser le regard. Celui qui se marie. Wa ahsanu lilfarji. Et ça préserve plus le sexe. Tayyib. Wa man dahaba. Mais celui qui va. Il va chercher des excitants. Des choses qui l'excitent. Tel que un nazar al muharram, le regard interdit. Il ne baisse pas le regard. Même s'il est marié, il ne baisse pas le regard. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Maza tandouruna ile. Qu'est-ce que vous voyez? Ada ou l'islam, les ennemis de l'islam, c'est ce à quoi ils veulent vous amener. Comme des bestiaux qui ne pensent seulement qu'à leur sexe. Pas autre. Les femmes se dénudent sur les réseaux sociaux. Quantum tandruna ila hada. L'objectif, c'est cela. Vous rendre des prédateurs sexuels. Seulement cela. Shahwatun bahimiya. La shahwa animale. Comme a parlé Ibn Qayyim. Et maintenant, lorsque tu regardes cela, وَسُمَّ تَزَوَّجْتَ Tu t'es marié. لَكِنْ لَا تَسْتَطِيُوا أَنْ تَغُدَّ الْبَصَرِ Tu ne peux pas baisser le regard. Tu regardes. Tu n'arrives pas à baisser le regard. Ensuite, tu n'arrives pas à préserver ton sexe. Comment? D'autres, étant mariés, sont éprouvés par la zina. هذا أكبر Mais d'autres étant mariés sont éprouvés aussi par Adatu Sirriya, Al-Istimnaou, la masturbation. Est-ce que le mariage, c'est le maqsoud du mariage, le maqsoud, Est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dira que cette parole-là, c'est un peu difficile à croire parce que le mariage ne m'a pas fait préserver tel, ou bien c'est à toi la faute? Comme je vous l'ai dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, haqqun wa sawabun. Celui qui se marie, ensuite ne va pas se jeter dans ses péchés. Yughliqu ala nafsihi hadhihi al-abwab. Il ferme ses portes de tentation autour de lui. Alors, son mariage va l'aider à plus baisser le regard. Son mariage va l'aider à préserver son sexe. Mais à Koulou, celui qui regarde le haram est habitué à regarder le haram, son épouse qui est à la maison ne lui dit plus rien. Il pense que celles qui voient dehors sont meilleures que celles qui sont à la maison. Voilà, Amroulé Sakhazal. Ce n'est pas comme ça. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ أَمَالَهُمْ. Le shaitan les embellit. Allah t'a interdit quelque chose. Toi, tu t'assois, tu regardes. Alors Allah te laisse avec le shaitan. Il t'embellit, il rend ça beau, joli. Attends. Tu vois, comme si vraiment, celle-là, il n'y a pas son deux. Et ensuite, tu ne considères même pas ton épouse. Allah et quoi? Ces choses dont les ennemis de l'islam ont mis en place, c'est venu même détruire l'affection entre l'homme et puis sa femme. C'est venu détruire cette affection. Faites très attention. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une parenthèse. La parole du professeur Al-Salam ici, c'est la vérité. Hakun wa sawab. Mais si tu ouvres certaines portes, alors cette parole, tu verras que ça ne s'applique pas sur toi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Il dit fa innahu aghaddu lil basar. Le mariage fait plus baisser le regard. Hada haqq. Wa ahsanu lil farj. Ahsan et fait préserver plus le sexe. Qu'Allah nous accorde la conformité. Alors ici maintenant, mas'alatun, on va voir un sujet ici. Mashru'iyyati allati istafadnaha. Alors, le mot yushra'u qu'on a vu. Qad yuradu biha al-wajib. On veut dire par cela, souvent, l'obligation. Awil mustahab, ou bien ce qui est recommandé. Awil mubah, ou bien ce qui est autorisé. Falin nika, est-ce que le mariage, wajibun, est une obligation? Am mustahabun, ou bien c'est préférable ou recommandé? Am mubah, ou bien simplement autorisé. Bina'an, si on se base à la qawaid usul fiqh, si la qawaid, les règles de usul fiqh, qui sont les fondements du fiqh, fa inna zahir al hadith, ce qui est apparent du hadith, yadullu ala al-wujub, montre l'obligation, liman istata'a al-ba'a, ou celui qui a la capacité. Voilà pourquoi beaucoup, parmi les zahiriya, ils sont allés vers l'obligation. Wa qad arafna anna al-hadith aw al-aya dalil. Le hadith ou bien le verset sont les preuves. On va voir les versets. Sont des preuves. Iza kana zahiruhu al-wujub. Si ce qui est apparent, c'est l'obligation. Fala yajuzu sarfuhu al-wujub illa biqarini. Donc ici maintenant, on ne peut pas enlever ce qui est apparent. Ça c'est une règle, il faut comprendre. Il y a quelque chose qui est apparent, qui montre que c'est obligatoire. Mais on peut l'enlever de l'obligation si on a eu des dalil qui nous amènent à ce qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, de manière générale, on dit que c'est obligatoire. Mais s'il y a des qara'in, d'autres preuves qui viennent dire que ce n'est pas obligatoire, alors ça devient mustahab. Est-ce que vous comprenez? Wa indana huna. Ici, on a qarina. Une preuve qui vient, qarina, c'est-à-dire on rapproche quelque chose. Dallat ala an al-amra. Montre ici que l'ordre, laisse aller le wujub. Ce n'est pas pour l'obligation. Bal lil istihbab. Mais pour le caractère préférable. Ici, d'abord, avant de rentrer ici, je vous signale que si cette masala y a un ikhtilab, certains savants disent que le mariage est wajib. Et certains savants disent que le mariage est mustahab. Lakin la yuqayyidoun. Et yani la yutlikoun. Ils ne font pas le itlaq. Yuqayyidoun. Ceux qui disent que c'est wajib, ils disent que c'est un wajib qui est selon la capacité. Parce qu'on ne dira pas à une personne qui est impuissante de se marier obligatoirement. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. Il n'a pas ce dont le prophète sallam a dit ici. Alba. Ça va? Donc, on ne peut pas généraliser pour dire que c'est une obligation. Donc, eux, ils disent cette parole. Ceux qui disent que c'est mustahab, ils disent que c'est mustahab, on regarde sa situation. Ça peut être obligatoire pour certaines personnes, d'où l'akharine. Par exemple, si ton célibat te mène chaque fois à faire le istimnaou, tu dois te marier. Et ça devient une obligation pour toi. N'est-ce pas? Si ton célibat te mène à ne pas baisser le regard, alors que Allah t'a donné l'ordre de baisser le regard, et tu n'arrives pas, alors le mariage devient obligatoire pour toi. À la couleur, nous allons lire les preuves que les savants vont apporter ici. D'abord, ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, ils ont utilisé ce verset où Allah dit "Fankihu, épousez ma taba lakum min an-nisa". Dans sourate An-Nisa, je crois que c'est le verset 3. "Fankihu ma taba lakum min an-nisa". Mariez celle que vous appréciez parmi les femmes. Et il a dit "Masna wa thulatha wa ruba'". Celui qui a la capacité marie deux femmes, trois femmes et quatre. La limite c'est quatre. Fa'in khiftum, mais si vous craignez Allah ta'adilu, de ne pas être équitable, vous craignez d'être équitable, c'est ça? Fa'wahida, de ne pas être équitable. Allô Francis, non il n'y a pas de souci. On va aller comme ça. À la Koulihal, si vous craignez que vous ne serez pas équitable. C'est bon? Ok. Alors, Fawahida, vous vous limitez à une femme. Aouma malakat aïman. Ou bien, celle que vous détenez comme esclave. Je signale ici que il y a deux tafsirs sur ce verset. D'autres disent, ici, une femme avec. Le Aou ici, Djalouna Ma'a. Maintenant, d'autres disent, Aou, ça reste toujours Fimana Abdaï. Qui est quoi? Si tu ne peux pas te marier, tu ne te maries pas, tu gardes seulement les esclaves. Voyez? Donc ici, le Cheikh Ali Ramli, il donne ici la signification, la deuxième signification que nous avons donnée ici. Il dit فَقَدْ خَيَّارَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah l'a laissé choisir بَيْنَ النِّكَاهِ وَتَسَرِّي. entre le mariage et le tasari. Le tasari, c'est quoi? C'est al-istimta bil ama. C'est de prendre du plaisir avec l'esclave. Donc Allah l'a donné le choix ici. Soit tu te maries, soit tu gardes seulement une esclave. Ou plusieurs, ça dépend de toi. Ça va? Donc ils disent maintenant, falaukana nikah wajiban. Si le mariage était obligatoire, lama khayyarahu bayna wajibin wa ghayr wajib. Il n'allait pas lui donner le choix entre l'obligation et ce qui n'est pas obligatoire. Parce que si c'était une obligation, Allah lui dit marie-toi. Mais vu que dans leur argumentation, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Sinon, Allah n'allait pas dire au ma malakat aymanukum. C'est-à-dire fawahida, une seule femme, au ma malakat aymanukum. Il envoyait un au ici, ou bien. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Fatahir Yunafi al-Wujub. Le choix qu'il a donné ici, Yunafi, c'est-à-dire ni ici l'obligation. Donc, c'est devenu permis pour lui de délaisser le mariage. Ou bien qu'il se suffit seulement de tasari. Le tasari, c'est de prendre plaisir avec son esclave. Donc, il se suffit seulement de cela. Donc, cela montre que ce n'est pas obligatoire. لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ غَيْرَ الْوَاجِبِ وَهُوَ تَسَرِّي صَوَرَ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ. Sinon, si on regarde, on va dire, s'il a fait ce qui n'est pas obligatoire, qui est le tasari, qui est le fait de rester avec son esclave, on dira qu'il a délaissé une obligation. Pourtant, le délaissement d'une obligation est un péché. Vous comprenez? Donc, دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ. Cela montre que ce n'est pas obligatoire. لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ غَيْرَ الْوَاجِبِ وَتَسَرِّي صَوَرَ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَالْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ تَارْكُ. Alors l'obligation, il n'est pas permis de délaisser l'obligation. هَذَا مُقَرَّرٌ فِي أُصُولُ الْفِقْ. C'est une science qui est dans les fondements du fiqh qu'on appelle أُصُولُ الْفِقْ. وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسِهُ التَّخْيِيرُ. Dans la scène أُصُولُ الْفِقْ, il est dit, il n'est pas correct de donner le choix entre l'obligation et ce qui n'est pas obligatoire. Vous comprenez? Car cela mène à annuler la réalité du wajib et que celui qui délaisse l'obligation n'est pas dans le péché. Si on va dans ce principe. Celui qui délaisse l'obligation n'est pas dans un péché. Ça va? Ça y est. Alors que donc, هذا المذهب هو أن النكاح على من استطاع الباء ليس واجبا. Alors, ce mazhab, cette voie qu'on vient de dire, c'est-à-dire dans la divergence, ceux qui ont choisi cette parole, ils disent que ce n'est pas wajib, binasil aya, en se basant sur ce verset. Ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Dans le mazhab, ils disent que un nikah n'est pas obligatoire, même celui qui a la capacité de le faire. Ce n'est pas obligatoire pour lui, bal mustahab. C'est préférable. Wa mazhabu jumhur al-ulama. C'est le mazhab de la majorité des saints. Amma in khashiya ala nafsihi. Mais s'il craint pour lui-même de tomber fil ma'siya, dans la désobéissance, ne pensez pas seulement que la désobéissance est la zina seulement. Voyez, s'il craint de tomber dans la zina, il peut se marier. S'il craint même de tomber dans kasratun nazar ila al-muharramat, dans regarder beaucoup de fois les haram, il peut se marier. Voyez, fawajibu, donc ça devient obligatoire pour lui. Kama qala al-mu'allif, comme l'auteur du livre a dit. Qala rahimahullah, l'auteur du livre dit ويجب على من خشى الوقوع في المعصية. Mais le mariage est obligatoire sur celui qui craint de tomber dans la désobéissance. Ici, on comprend de la parole même de l'auteur du livre d'Imam Shawkani que le yushra qu'il a dit ne veut pas dire obligatoire. N'est-ce pas? Parce que si ça voulait dire obligatoire, c'était quoi? Il n'allait pas dire cette parole ici. Ça va? Soyez. يفهم من كلام هذا أنه لا يريد بقول الأول يشرى لمن استطاع الباء الوجوب كما je viens de le dire فيبقى عندنا إما الاستحباب أو الإباحة donc ça reste maintenant soit c'est préférable ou bien c'est autorisé وقد قدمنا أنه مستحب et on a déjà vu que c'est مستحب ça va لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه قال المسجد الله صلى الله عليه وسلم a incité au mariage وقد جاء هذا الترغيب et cette incitation est venue dans beaucoup de hadiths parmi ces hadiths le hadith que nous avons vu من استطاع منكم الباعة فل يتزوج ici c'est une incitation au mariage donc c'est un ترغيب. Dans sa parole aussi dit Tazawadou, Al-Wadou, Al-Waloudou. Al-Wadou, les femmes qui sont tendres, affectionnées. Ça va, douces. Hein? On ne parle pas des femmes qui font bruit, qui chauffent la maison. Hein? Là, Al-Wadou, c'est la femme qui est douce, tendre. Affectionné. Hein? Car c'est un bonheur quand tu as ce type de femme. Hein? C'est un bonheur. Dès que tu rentres à la maison, tu vois une grande souris avec toi. Hein? Voilà parce que nos femmes sont comme ça. Donc, Al-Waloud, Al-Waloud. Waloud, Baman, Al-Waloud. Les femmes qui font les enfants. Al-Waloud ici, c'est Sirat al-Mubalara. Les femmes qui font beaucoup d'enfants. Les femmes qui font beaucoup d'enfants. Hmm? Les femmes, non. Oui, ici, d'autres savants disent, tu regardes sa mère. Tu regardes souvent sa mère, ses soeurs. Souvent, ils ont les mêmes gènes. Ça va? Pour reconnaître ce type de femme. Tu regardes souvent sa mère, tu regardes aussi souvent sa sœur, si elle a une sœur, ou bien même sa grand-mère. Hein? Ça te permet de connaître si c'est une femme qui est fertile. Ça va? Normalement, à la base, toutes les femmes sont ainsi, à la base. Ça va? Mais aujourd'hui, ça dépend de ce que nous mangeons. Et ce que les femmes aussi prennent comme les méthodes contraceptives. Souvent, ça bloque carrément même les enfants. Voyez? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Tazawwadul waloudul waloud, al-waloudul waloud, fa inni mukathirum bikum. Hein? Al-Umam. Il dit car je vais me vanter de votre nombre devant les autres communautés. Votre prophète vous ordonne et vous incite à marier Al-Wadoudou, Al-Waloud. Voyez. Mais aujourd'hui, Allah Moustahan, il a fini de faire deux et puis elle te dit je suis fatigué. Deux. Fatigué. On sait que ce n'est pas facile l'accouchement. Mais Ali Sunnatullah fi kunna. La sunna d'Allah en vous. Et Allah a voulu que ça soit ici. Qadar Allahu ma sha'a fa'al. Alakin, tu ne dois pas limiter. Et dire non, moi je limite, sauf s'il y a un maqsoud derrière cette limitation. Comme la santé de la femme. Ça va? Toyib, chaque accouchement, elle est entre la vie et la mort. Tu décides de la laisser. Voilà. Mais dans ce genre de cas, quand tu dis je te laisse et puis je vais marier une autre, ça devient un autre problème. Si c'est ça, je vais continuer. Elle te dit ça. Hein? Ou bien Abdelaziz? T'es d'accord, non? Qu'elle va dire. Donc, في هذا ترغيب في الإكثار من الولد. Dans ce hadith, il y a une incitation de multiplier les enfants. والإكثار من الولد, et multiplier les enfants, لا يكون إلا بالنكاح. Ça ne se fait que par le mariage. Donc, أوجب المؤلف هنا النكاح. L'auteur du livre a rendu obligatoire le mariage عند الاستطاعة عليه. Lorsqu'on est capable. والخوف من الوقوع في المعصية. Et surtout si on craint de tomber dans la désobéissance. وقلامه رحمه الله حق. Sa parole est la vérité. لأن النكاح في هذه الحال. Alors, sache que le mariage dans cette situation, يحفظ عليه دينا. Ça préserve sa religion. بإعانته على ترك الحرام. Et ça l'aide à délaisser ce qui est interdit. Ça va? تأتينا هنا القاعدة الأصولية. Nous verrons ici une règle de usul. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Cela veut dire quoi? Masalan, quelque chose est wajib. Tu ne peux pas atteindre cette chose sans passer par un autre. Ce dont tu dois passer par cela pour atteindre cette chose devient wajib. Est-ce que vous comprenez? Donc, وَلَا يَتِمُّ هَذَا الْوَاجِبُ إِلَّا بِالنِّكَاحِ. Cette obligation, ça va, ne peut pas, on ne peut pas atteindre cette obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, que par le mariage. Donc, فَالنِّكَاحِ wajib. Donc, le mariage est wajib pour celui qui craint de tomber dans le haram. Parce que si tu crains de tomber dans le haram, tu ne peux pas arrêter le haram sauf si tu as mis quelque chose. Et cette chose dont tu dois utiliser pour arrêter le haram, c'est le mariage. Donc le mariage devient une obligation pour toi. Dans les détails de cette règle se trouve dans le usul al-fiqh, dans le mabhas, dans l'endroit de wajib, min al-akam al-taklifiyya, parmi les jugements du taklif, comme on le verra, incha'Allah, si nous avons abordé l'enseignement de cette science. Qala Ibn Qudama, l'imam Ibn Qudama, il dit, wa ajma al-muslimuna ala anna al-nikah mashru. Les musulmans sont unanimes que le mariage est légiféré. Wa akhtalafa ashabuna fi wujubiha. Mais nos compagnons, quand il dit ashabuna, c'est-à-dire les gens de nos mazhab, se sont divergés sur l'obligation. فالمشهور في المذهب. Il dit ce qui est connu dans le mazhab, annahu laysa biwajib. Que le mariage n'est pas une obligation. Illa, sauf an yakhafa ala nafsihi al-wuqu', sauf s'il craint pour lui de tomber fi mahdhuri bitarkihi, dans l'interdiction s'il délaisse le mariage. Fayalzamuhu. Alors, ça devient exigé pour lui, obligatoire pour lui, ikhafa nafsihi. C'est-à-dire de préserver sa propre personne par la chasteté. Wada qawlu, et cette parole, c'est la parole de Ammat al-Fuqaha, la majorité des savants de la jurisprudence. Minhum man yakhafu ala nafsi al-wuqu' fi mahdhur in taraka an-nikah. Parmi eux, afwan, j'ai sauté une partie. Wa qala rahimahullah, fasdun. Dans le texte du livre, il dit de Ibn Qudama, il dit Faslun, wa an-nasu fi an-nikah ala thalathati adrub. Ça va, les gens, au sujet du mariage, ils sont sur trois exemples. Trois exemples. Le premier, minhum man yakhafu ala nafsi al-wuqu' fi mahdhur in taraka an-nikah. Il y a d'autres, ils craignent pour lui, s'il délaisse le mariage, de tomber dans le haram. Ok? Donc, en ce moment, فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ النِّكَاحِ. Celui-là, le mariage est obligatoire pour lui. Ça va? فَهَذَا قَوْلُ عَمَّتِ الْفُقَهَا. Et c'est la parole de la majorité des gens, des savants de la jurisprudence. يَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِفَافُ نَفْسِهِ. Ça, il est obligatoire pour lui de préserver sa personne par la chasteté. وصونها عن الحرام. et de préserver sa personne de tomber dans l'interdit. Autorikou, et pour préserver, c'est quoi? Un nikah. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, un nikah, ça ne suffit pas pour beaucoup de personnes. Malheureusement. Parce qu'ils ont ouvert certaines portes du haram. À Wakaou, ils sont tombés dans le haram. Alors que Indarum Zaoud, ils ont une épouse. Et Roubama, certains même, ils sont éprouvés par ces choses, ils sont tellement éprouvés que les Zaoudia même, ils ne les approchent même pas que de temps en temps. Cela arrive, on reçoit des questions de ce sens. Est-ce que vous comprenez? Moi, le conseil que je donne à mes frères, vous savez, ces réseaux sociaux-là, la qaïda al-shara'iyya, c'est quoi? Allah, il dit même dans Surat al-Baqarah, au sujet de l'interdiction du vin. Il a dit, yas'alunaka anil khamr wal-maisir. Il dit, on te demande au sujet du vin et du jeu de hasard. Oul, Muhammad dit, fihima ismun. Dans les deux, il y a du péché. Wa manafi'u linnas. Mais des avantages pour les gens. Il y a des avantages. Le vin, il y a des avantages dedans. Voyez? Et sachez que la qaïda est que Allah ne crée pas une chose qui est mauvaise dans son entité. Charalma. La hatta shaitan, dans sa création, il y a une faïda. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce verset, Allah dit au sujet du vin et du maïsir, il dit, il y a des péchés, n'est-ce pas? Mais il y a des avantages. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Leur péché est plus grand que leur profit. Et la qaïda ici que je vais vous rappeler, c'est quoi? Chaque chose où le péché est plus grand que le bénéfice. Parce que certains vont me faire sortir. Non, quand on va sur Facebook, on voit des rappels, on voit ceci, on voit cela. N'est-ce pas? Quand on va sur TikTok, il y a des rappels. On voit ceci, on voit cela. Quand on va sur Instagram, on a des rappels. On voit ceci, on voit cela. Anta a'lamu bi nafsika min ghayrika. Tu te connais plus que toute autre personne. Allah dit balil insanu ala nafsi basira. Chacun se connaît. Et tu sais, si c'est rappel, tu regardes plus, ou bien c'est les autres. Tu connais. Alors la qaïda ici, si le mal est plus grand que le bien, c'est le délaissement total. Est-ce que vous comprenez? Si le mal est plus grand que le bien, c'est le délaissement total. Et c'est le dali de cette, c'est l'une des dali de ce qaïda que je viens de vous montrer dans le verset de Surat al-Baqarah. Vous comprenez? Donc le conseil que je donne aux frères, il y a des réseaux sociaux où vous ne voyez pas ces trucs-là. Restez dessus, tels que peut-être Telegram, WhatsApp. Mais ces réseaux sociaux, vous voyez des vidéos par ici, par là. D'abord, Awalan, c'est une perte de temps. Deuxièmement, tu te bombardes de ce qui est haram. Tu vois toutes sortes de haram. Et ensuite, lorsque tu regardes ton épouse, tu as vu des logos qui sont plus grands plus en forme que ce logo qui est devant toi. Comment tu seras? Est-ce que tu auras une raghba en elle? Ces choses détruisent vos relations. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors ici, on va continuer. Asani, le deuxième. Le premier, on a dit, c'est qui? C'est celui qui craint de tomber dans le haram s'il délaisse le mariage. Alors celui-là, il est obligatoire pour lui de se marier. Ça va? Maintenant, s'il est marié, qui n'arrive pas à laisser le haram, il doit se voir lui-même maintenant. Et que c'est toi-même le problème. Il doit fermer ses portes. Cela facilite à nos frères qui sont éprouvés par cela. Deuxièmement, man yastahib boulahu, celui que le mariage est préférable pour lui. Wa man lahu shahwa, c'est celui qui a une shahwa, c'est-à-dire un désir, un désir sexuel. Ya manu ma'aha, mais il est en sécurité avec cela, al wukwafi mahdour, de tomber dans le haram. C'est-à-dire qu'il se maîtrise. Hada qalil. Fahadal ishtighalu lahu bihi aula, celui-là, c'est mieux qu'il s'occupe au mariage que minat takhalli din nawafil al ibadat, que de délaisser le mariage et se vider dans les adorations. Parce que le mariage devient pour lui maintenant mustahabun, préférable. Et ce qui est préférable est mieux. Voyez. Al-qism al-salis, la troisième catégorie. Ça va? C'est qui? Man la shahwata lahu. C'est celui qui n'a pas de shahwa, n'a pas de désir sexuel. Imma li annahu lam yukhlaq lahu shahwa. Kal innin. Comme ce qu'on les appelle les innin, ce sont les impuissants. Aw kanat lahu shahwa, mais ou bien soit, il a un désir. Faza habat bi kibra. Il est parti avec sa shahwa est parti avec l'âge avancé. Ça va à Oumarat, ou bien une maladie, ou autre que cela, fafihi wajhan. Celui-là, il y a deux wajh en lui. C'est-à-dire, il y a deux angles. Ahadouhuma, premièrement, yastahibullahu nika. Celui-là, il est préférable pour lui de se marier, les umumima dakarna, à cause de la généralité de ce qu'on a mentionné. C'est-à-dire, il a une shahwa, et la shahwa est partie par une maladie. Ça va? Ou bien par la vieillesse. C'est mustahab pour lui de se marier. Tayyib. Wassani, le deuxième angle maintenant ici, c'est non, le deuxième angle ici, c'est Atakhalli lahu afdol. Mais s'il délaisse le mariage, c'est mieux. Ça va? Yannahu la yusol masalih nika. On n'obtient pas les intérêts du mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de shahwa. Voyez? Donc, celui qui n'a pas de shahwa, yamnahu zaujatahu. Il va empêcher son épouse minatarsini biraïri de se préserver par un autre. C'est-à-dire de préserver sa chasteté par un autre. Parce qu'il va la garder comme ça. Il la garde. Il n'y a pas de coït. Il n'y a rien. Elle reste comme ça. Alors qu'elle a une shahwa. Donc, il va préserver cette femme. Il va garder cette femme comme ça, sans la permettre de se marier avec quelqu'un d'autre, afin de préserver sa shahwa. Voyez? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Wa yadurru biha, et il va lui faire du tort. وَيَحْبِسُهَا عَلَى نَفْسِهِ Et il va la garder pour lui, seulement, sans lui donner son droit. وَيُرْدُ نَفْسَهُ لِوَاجِبَاتِ وَحُكُوكُ Et il va détourner cette femme de certains droits. لَعَلَّهُ لَا يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ Et c'est peu qu'il n'ait pas la capacité de pouvoir satisfaire cette femme. وَيَشْتَغِلُوا عَنِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ Et ensuite, maintenant, vu qu'il n'a pas de shahwa, il va garder cette femme. Hadi mafasid. Il y a des mal dans cela. Et mafasid ukhra, il va s'occuper à chercher la subsistance pour cette femme, à travailler, et il va délaisser la science, l'adoration, pour quelque chose dont il n'y a aucun bénéfice. Vous comprenez? Parce que l'intérêt de lui, son mariage, c'est de se préserver. Mais il est impuissant. Ou bien il n'a pas de shahwa. Il va garder la femme, qui a une shahwa, qui ne peut pas se préserver sa chasteté par un autre. Maintenant, lui aussi, il a quel bénéfice qu'il tire dans ce mariage? Est-ce qu'il y a un faïda? Il n'y a pas de faïda. Et il va s'occuper à nourrir cette femme, à chercher quelque chose pour elle, et il va délaisser, c'est-à-dire il n'aura plus le temps pour étudier. Alors que si il ne se mariait pas, il allait avoir le temps pour étudier, pour faire autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'éprouver dans un angle, mais en même temps, utilise cette épreuve pour s'investir dans autre chose. Allah nous préserve de cette épreuve. C'est une épreuve qui est quand même difficile. Intaha. Donc ici, on a fini. On va voir la dernière masala qui est Atabaktoul. Atabaktoul ici, quand le mu'allif rahimahullah, il dit « Atabaktoulou ghayru ja'idin » Le Atabaktoul n'est pas permis. Atabaktoul c'est quoi? Al-qat'un, c'est se couper. Se couper du mariage pour juste l'adoration. Soyez. Wa minhu Maryam al-Batul, c'est-à-dire Maryam la Vierge. Li inqita'iha. Parce qu'elle s'est coupée à Nisa'i Zamaniha, des femmes de son époque, Fadlan wa Dinan, à cause du mérite aussi pour la religion. C'est-à-dire, elle s'est écartée quand même du tout pour l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Donc ici, fichara'i dans la législation, le tabatul veut dire quoi? Al-inkita'u an-nisa. C'est s'écarter des femmes. Watarkun nika. Et de laisser le mariage. Inkita'an. Se coupant ainsi ila ibadatillah. Pour l'adoration d'Allah. Ça va? Wa huwa muharramun fil islam. C'est interdit en islam de faire cela. Ça va? Mukhalifun li hadi an-nabi. Cela contredit la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas il dit radda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé la parole de Othman ibn Mad'un à Tabattul. Lorsqu'il a dit qu'il va faire le Tabattul, il a refusé. Walau azina lahu las lakhtasayna. S'il avait autorisé, on allait se castrer nous. Lakhtasayna. Se castrer. C'est-à-dire enlever carrément le sexe. Et puis on allait rester comme ça. Si Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il avait autorisé cela à Ousmane ibn Mat'un, alors nous, on allait se castrer aussi. Car on allait se libérer maintenant pour l'adoration si on n'avait plus de shahwa. Parce que si tu te castres, il n'y a plus de shahwa. Ça va? Hatta izaja shahwa, maza sa yahwa. Même si la shahwa vient, qu'est-ce qu'il va faire? Rien lâcher. Hein? Allah nous préserve. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Aïmana ahu min. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Walam yuqirruha alayhi. Et n'a pas approuvé cela pour lui. Walau azil al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'Usmane bin Mad'un bitabattul. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé à Uthman bin Mad'un de faire le tabattul, la qata'u al-Khussi. Les compagnons allaient couper leur sexe, c'est-à-dire se castrer. Ça va? Wa azaluha, et ils allaient l'enlever. Aw raddu al-Khussi, ou bien soit, ils vont couper une partie. Bi haythu tanqati'u ash-shahwa, ou couper la shahwa, ou tad'if, ou bien affaiblir. Ou bien tout d'aïf. Fayaqta'una bidhalika anfusahum 'an an-nisa. Et par cela, maintenant, ils vont se couper les femmes. Et ils vont se vider pour l'adoration. Lakin hadha laysa min hadi an-nabi. Cela n'est pas la guidance du prophète Satan. Et il n'a jamais voulu cela. Ça va? Il trouve certains musulmans qui font cela. Hein? Rabab Soufiya. Ils vont quelque part. Sans femme ni rien. Comme la rahbaniya que les chrétiens ont mis en place. Hein? Comme elle a dit, rahbaniya ibtada'ouha. Ils ont innové. Le fait de rester dans l'église, tu vois des femmes, tu dis, elles disent, j'ai fait chasteté, je me suis donné à mon Seigneur. Auzubillah. Non, aucun homme ne va te toucher. Tu ne vas pas faire d'enfant. Comment toi t'es venu? Si ta mère avait fait chasteté. Hein? Ou bien les prêtres qui me disent non, que tant qu'eux ils deviennent prêtres, tel que tu vois les papes, ils n'ont pas le droit de toucher une femme. Et après, quand on casse les papeaux, on se rend compte que il y avait les petits garçons quelque part là-bas. C'est des pédophiles. Insan, toi, dis neuf. Tu te châties toi-même. Mata ou dunya. A dunya ou mata. Wa khayru mata iha al mara as-salih. Voyez, la femme pieuse, la bonne femme, ça fait partie de. Des délices, des plaisirs, de la dunya. Ça va? Et aimer une femme est une sunna. Aimer les femmes est une sunna. Quand ils disent ça, vous souriez. Il dit, il a dit ton nom. Mokhtar, il dit son nom. Donc ici la dunya est mata wa khayru mata'iha al-mar'at as-salihah. Et aimer les femmes est une sunna. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit hubbiba ilayya min dunyakum al-mar'at wat-tayyib. J'aime de votre dunya. Il dit votre dunya. Parce que lui, Inch'Allah, il sera parmi les gens du paradis. Il dit, j'aime de votre dunya. C'est-à-dire, Allah m'a fait aimer de votre dunya les femmes. Et puis le parfum. Donc l'amour des femmes est aimé. C'est que le professeur Assam a aimé. Ça va? Après, on dit, non, tu aimes trop femme. C'est une qualité. C'est ça, Manrasa. C'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Nabil Diamine. Non. Mon ami, tu vas te défendre là-bas. Moi, tu te défends sur l'un. Non, en fait, Mais ça rentre dans deux sens. Hein. Aimer les femmes, c'est-à-dire le tazawouj, aimer les femmes, être affectionné envers elles. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit aimer les femmes. Ça va? C'est-à-dire aimer la compagnie de ta femme, par exemple. Ça manque. Même si tu es une seule femme, et que tu aimes la compagnie de ta femme, tu es tout le temps avec elle, tu t'occupes d'elle, ça montre que tu aimes les femmes. Ou bien? Tu vois où je vais t'amener, non? Qu'Allah nous aide. Donc, ici, on va voir le hadith qui montre que cela n'est pas permis. Ça va, et on va s'arrêter, Inch'Allah. وقد صح عن أنس بن مالك سيدنا تنتيك ده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذك جاء ثلاثة راهط إلى بيوت أزواج النبي trois groupes de personnes sont venues dans la maison du prophète صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي ils posaient la question au sujet de l'adoration du prophète فلما أخبروا lorsqu'ils ont été informés كأنهم تقالوا taqaluha yani yarau zalika qalila comme s'ils ont vu que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait était petit ça va taqalu wa aina nahnu min an-nabi il dit mais lui le prophète nous on n'est rien et lui il fait des adorations comme ça et puis nous on va faire comme lui non nous on doit plus multiplier قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر car lui ses péchés passés ses péchés qui vont venir après ont été déjà pardonnés طيب donc il y a un qui a dit أما أنا أنت موافيني أصلي الليل أبدا il dit je vais prier toutes les nuits jusqu'à la fin de ma vie toutes les nuits va se lever pour prier وقال آخر Et l'autre dit, Ana asumu dahara. Il dit, moi je vais jeûner toute l'année. Je ne vais pas rompre. Tous les jours je jeûne. Wa qala akhar, Ana atazilu nisa. Lui dit, moi je m'écarte des femmes. Fala atazawwadu abadan. Je ne vais jamais me marier. Fa ja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la maison, ses femmes l'ont informé, il est parti vers eux. Il a dit, Antum alladina kultum kada wa kada. C'est vous qui avez dit ceci, cela et cela. Il dit, Amma wallahi. Il dit, par Allah, Inni la akhshakum lillahi wa atqakum la. Il dit, moi, je crains plus Allah. Et je suis le plus pieux. لكني أصوم وأفطر. Mais moi je jeûne et souvent je rends le jeûne. وأصلي وأرقد. Et souvent je me lève pour prier et souvent je dors. وأتزوج النساء. Et je marie les femmes. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. فهذا يدل على أن ترك الزواج للمبالغة في التعبد cela montre que de laisser le mariage pour adorer Allah beaucoup محرم شرعا c'est haram dans la sharia طيب dire que non si moi je me marie je ne pourrais pas bien adorer Allah donc Je ne me marie pas. Allez, ce n'est pas permis. Soyez. Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on va continuer, Inch'Allah, sur celui qui a l'incapacité de pouvoir s'occuper de la femme. C'est-à-dire, ce dont la femme a besoin, il est incapable. Ça va? On ne parle pas de dépenses forcément. La dépense, tu peux avoir cela, souvent tu peux ne pas avoir. La pauvreté. Mais si on parle de satisfaire son épouse, ça va? Ne pas être impuissant. Alors celui qui n'a pas la capacité, comme nous avons dit, de pouvoir faire le coït ou le djima, approcher les rapports sexuels, il ne peut pas le faire. Alors celui-là maintenant, il peut dire, bon ok, comme moi je ne peux pas faire ça, je peux faire ça. Je peux vider mon temps pour l'adoration. Mais il ne s'interdit pas les choses qui sont faites. Ça va? Il ne s'interdit pas les choses qui sont permises. Ça va? نسأل الله العافية والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين